France Culture La Nuit, un patrimoine radiophonique. Voici un homme célèbre, un homme, un nom, une marque, pourrait-on dire. Il avait un grand-père qui achetait des tableaux. Il a fait des études à Condorcet, mais pourquoi faire ensuite ? Il n'envisageait aucun métier, sinon couturier peut-être. Mais la suite. Vocation, Gaston Gallimard. Première diffusion sur les ondes nationales, 27 janvier 1959. La radiodiffusion télévision française vous invite à écouter une émission de Robert Mallet, Vocation. Aujourd'hui, Gaston Gallimard. Collaboration de Michel Thierry. Dans trois jours, il y aura exactement 50 ans que paraissait le premier numéro de la Nouvelle Revue Française. La Nouvelle Revue Française est liée intimement à tous les succès de la pensée française depuis 50 ans et au nom de la Nouvelle Revue Française est lié non moins intimement le nom de Gaston Gallimard. C'est donc une façon de célébrer l'anniversaire d'une des plus glorieuses revues françaises que d'interroger aujourd'hui, à trois jours de cet anniversaire, Gaston Gallimard, qui pour la première fois a accepté de répondre à une interview au micro, malgré la répugnance qu'il en a, et nous l'en savons gré. Je vous demanderai, Gaston Gallimard, comme à tous ceux qui vous ont précédé dans cette émission, je vous demanderai de nous parler donc de votre vocation, et tout d'abord de vos origines familiales, de votre hérédité paternelle et maternelle, du métier et de votre père, et des goûts de vos parents. Mon arrière-grand-père a été ouvrier chaudronnier à Thiers, puis entrepreneur d'illumination sous Louis-Philippe. Mon grand-père vivait de ses rentes et de celles de ma grand-mère. Il achetait les tableaux d'un nommé Corot, par exemple, sans se douter de leur valeur. Il aimait aussi les arbres et en a beaucoup planté dans la propriété de Normandie où je passais mes vacances. Mon père a continué dans cette voie, heureuse et facile. Vous êtes donc d'origine auvergnate. Auvergnate et bourguignonne. Et Gallimard est un nom auvergnat ou bourguignon ? Bourguignon. Et ce n'est donc pas un nom normand malgré vos attaches avec la Normandie ? Pas du tout. Votre grand-père achetait des coraux sans savoir la valeur qu'ils avaient, avez-vous dit, mais il savait le plaisir qu'il éprouvait à les voir. Il n'avait pas d'intérêt pécuniaire, simplement. Non, C'était un véritable amateur. C'était pour fumer son cigare devant les tableaux. Qui lui plaisait. Oui. Je voudrais savoir maintenant quels étaient vos rêves et vos désirs d'enfant en ce qui concerne le métier possible. Mon rêve était de n'obéir à personne, pas même à moi, d'être libre. Par conséquent, je n'envisageais aucun métier. Mais est-ce que vous aviez tout jeune, je veux dire vers 10 ans, est-ce que vous aviez révélé déjà un goût particulier pour les lettres ? Absolument pas. Et quelles études avez-vous faites ? J'ai fait des études classiques au lycée Condorcet, où j'ai connu Roger Martin Dugard et Jacques Copeau. Vous les avez poursuivis jusqu'à quel examen ? Philosophie. Et ensuite, vous n'avez pas envisagé de faire des études littéraires ? Non. Est-ce que vers la 20e année, après avoir passé vos bachots, vous avez envisagé de faire un métier d'ordre littéraire, sans cependant poursuivre dans la voie des études littéraires ? Ou bien est-ce que vous ne considériez pas l'art et la littérature comme des activités simplement de distraction ? Je considérais l'art et la littérature non pas comme une activité, mais comme une distraction parmi d'autres. Le hasard, un vrai hasard, une rencontre à la Chambre des députés où j'étais allé par curiosité entendre Clémenceau, m'a fait connaître un jeune normalien, Henri Franck, avec lequel je me suis lié et qui m'a fait connaître le frère de Jean Schlumberger. Puis ce fut l'engrenage, sans décision, sans que je m'en sois rendu compte. D'autre part, un ami d'enfance, Francis Jourdain, qui vient de mourir, m'a fait connaître Léon Polfard, puis Valérie Larbeau, qui devinrent pour moi des amis intimes. Alors, ce furent les réunions quotidiennes, les galeries de tableaux, les concerts, etc. Est-ce que vous avez songé, dans le voisinage de tous ces écrivains, est-ce que vous avez songé à être écrivain vous-même? Non, je n'ai jamais songé à être écrivain. Et vous avez cependant écrit? Je n'avais rien à dire, je ne songeais qu'à être heureux. Les deux peuvent se combiner, d'ailleurs on peut vouloir écrire et vouloir être heureux. C'est souvent même parce qu'on veut être heureux qu'on veut écrire. Le bonheur ne se présentait pas comme ça pour moi. Vous avez cependant écrit, vous avez fait de la critique picturale. Non. Je me suis amusé à faire deux ou trois notes dans la rue, du reste sans plaisir. Alors pourquoi les faisiez-vous? Puisque vous vouliez être libre. Parce qu'on me l'a demandé. Par amitié? Oui. Alors vous n'avez donc jamais voulu être un écrivain? Parce qu'on dit souvent que les éditeurs sont des écrivains, excusez-moi de le dire, ratés. On dit que ce sont des écrivains qui ont raté leur métier. Oui, mais moi je ne voulais pas être éditeur. Ah bon? Vous ne vouliez donc être rien? Rien. Oui. Là, ça paraît plutôt facile. Alors, comment, ne voulant être rien, vous êtes venu finalement le modèle des éditeurs? C'est ce que j'aimerais que nous sachions. Ça. Je ne vais donc plus trop employer le mot vocation. Je vais plutôt vous parler d'orientation. Vous vous êtes orienté, que vous en refusiez le principe ou non, vous êtes orienté vers une direction. Et vous avez donc vécu dans un climat qui vous a imprégné, même inconsciemment. Et c'est peut-être inconsciemment, c'est sûrement inconsciemment, que cette vocation non apparente, c'est tout de même enraciné en vous. Alors, pouvez-vous me parler de ce climat? À vrai dire, je ne me suis jamais senti de vocation. Mes études au lycée ont été plutôt molles et m'ont plutôt détourné des œuvres classiques. Certes, j'aimais la lecture, mais surtout Gustave Aimard, Walter Scott, etc. Mais j'aimais tout autant, et peut-être davantage, la musique, et plus tard l'automobile, les bains de mer, le tennis. J'aimais surtout les vacances, et je n'ai vraiment jamais eu de vocation. Alors quelles sont les circonstances qui ont permis à vos goûts profonds de se manifester? Je veux parler des circonstances d'ordre social, d'ordre familial, et surtout d'ordre personnel. Mon grand-père, mon père, aimait la peinture. Et j'ai grandi au milieu de Corot, de Renoir, de Van Gogh, de Cézanne. Mon père avait également une importante bibliothèque où je puisais au hasard et sans grand discernement. J'aimais les œuvres romanesques et surtout la poésie. Et pour commencer, la mauvaise poésie sentimentale. La poésie symboliste ou la poésie sentimentale. Romantique? En dehors de toute appartenance d'école. Oui, ça, je ne savais même pas ce que c'était que des écoles. Mais elle ne me détournait pas de tous les autres plaisirs qui avaient gardé pour moi toute leur importance. Un événement dans ma vie a été ma classe de philosophie avec Pierre Janet. Pierre Janet était l'auteur de l'automatisme psychologique. Pendant un an, je me suis pris un peu plus au sérieux. Parce que vous le preniez lui-même au sérieux. Au contact de son esprit, le vôtre s'est développé. Non, parce que je bavardais philosophie, jargon philosophique avec des camarades. Cela m'a amené à suivre, l'année suivante, les cours de Bergson au Collège de France et à découper les propos d'un Normand d'Alain dans la Dépêche de Rouen. Un autre événement qui a compté pour moi, ce fut l'affaire Dreyfus. C'est peut-être alors que j'ai compris que la vie pouvait être grave. J'ai fait alors ma petite crise d'anarchie. Quelles ont été les premières réalisations en rapport avec la profession que vous aviez choisie, ou plutôt qui vous avait choisie? Je n'ai pas choisi de profession. Mon père m'avait vaguement conseillé d'entrer aux eaux et forêts. Mais bien qu'aimant la campagne, le plein air, je n'ai pas hésité une seconde à choisir de ne rien faire. Car je n'appelle pas travailler que de se promener nonchalamment entre la faculté de droit et l'école des sciences politiques. Vous avez tout de même suivi des cours? Un petit peu et pas régulièrement. Sans passer les concours? Puis j'ai été sans raison secrétaire d'un député devenu ministre de la guerre. Qui était-il? Qui passait sa vie aux courses. Je ne veux pas le dire. Bon, peut-être que ceux qui sont vos contemporains pourront ainsi le reconnaître tout de même. Mais je n'insisterai pas. Alors, après avoir été secrétaire de ce ministre qui s'occupait plus des chevaux que de son ministère, qu'avez-vous fait? Enfin, j'ai été secrétaire de Robert de Flair. Robert de Flair, l'auteur dramatique? Oui. Je ne sais d'ailleurs pas pourquoi. Qu'est-ce que vous faisiez pour lui? Vous ne lui écriviez pas les pièces, tout de même, puisque vous étiez trop paresseux pour le faire, puisque vous ne vouliez pas écrire pour vous, vous n'auriez pas écrit pour les autres. Mais il m'arrivait d'écrire à sa place des articles, Qu'il signait, de critique dramatique. Vous avez donc écrit. Et, oui, enfin, ça ne s'appelle pas écrire. Et en particulier dans le journal Amusant, où mes articles étaient signés Le Moucheur de Chandelles. Et alors, vous avez mouché les chandelles pour le compte de M. De Flers pendant combien d'années? 1 an et demi, 2 ans. Et qu'est-ce que vous avez fait ensuite? Rien. C'est en étant secrétaire de De Flers que j'ai connu au Figaro que quelques hommes du boulevard, Bernstein, Capu, et surtout que j'ai rencontré pour la première fois Marcel Proust. Est-ce que cette rencontre avec Marcel Proust a marqué pour vous? Est-ce que vous avez eu la sensation, en le rencontrant, de faire la connaissance d'un être exceptionnel? Non. Vous n'aviez pas prévu qu'il ferait une aussi grande carrière? Bon, je ne savais même pas qu'il écrivait. Et quand l'avez-vous su? Bien plus tard, quand j'ai vu ses écrits. Mais car il n'en parlait pas. Enfin, à ce moment-là, il faisait de vagues chroniques que j'ai du reste publiées pour le Figaro et des pastiches et mélanges. Et quand vous parliez avec lui, ce n'était pas de littérature? Oh, pas du tout. Non. Ce n'était pas du tout l'homme de lettres au mauvais sens du mot? Non, non. Et vous avez été plus tard son éditeur, à ce moment-là, vous ne vous doutiez pas que vous le seriez? Oh, je ne pensais même pas être éditeur à ce moment-là. Dans le même temps, j'allais régulièrement au passage Vivienne, chez une vieille libraire où j'achetais n'importe quel livre. C'est ainsi que je suis rentré un jour chez moi, avec sous le bras, L'Arbre de Claudel et L'Immoraliste de Gide. La rencontre était hasardeuse, vous n'aviez pas fait exprès d'acheter ces deux écrivains qui représentaient deux esprits si opposés? Non, c'est vraiment le hasard. Et vous avez été conquis par tous les deux? Oui, enfin conquis. C'est un grand mot, surtout dans votre bouche, je sais bien. Mais enfin, tout de même, vous avez eu de l'estime pour eux. De ce jour, j'ai lu régulièrement les livres du Mercure et en particulier Jean de Tilly. En effet, car l'immoraliste comme l'arbre avait paru au Mercure de France, qui à l'époque était la grande maison, cette grande maison que vous avez quelque peu éclipsée plus tard. Non. Enfin, c'est très gentil à vous de le dire. À vous entendre, Gaston Gallimard, il semble que vous n'ayez eu pas tellement de goût pour grand-chose et que vous ayez été plutôt prédisposé à la flânerie. Et cependant, j'ai l'impression que vous étiez ce qu'on peut vraiment appeler un amateur au sens le plus fort du mot, c'est-à-dire un homme qui voulait se donner aux choses de l'esprit par plaisir et non par intérêt, tout comme vos pères et grands-pères s'étaient donné au plaisir de voir de la peinture sans penser qu'ils faisaient aussi d'excellentes affaires. Si je fais un retour en arrière, et si je veux être sincère, je dois dire que je n'étais pas même un amateur. Je me dispersais bien trop. Ce que je pourrais encore dire ne compte que pour moi. Mais vous étiez avant tout de même un lecteur. Vous aimiez lire. Vous l'avez dit tout à l'heure, vous alliez mais vous acheter. Pas avant tout. Non. Mais qu'est-ce qui passait pour vous avant tout? Vous ne voulez peut-être pas le dire. Rien. Mais vous étiez une sorte de nihiliste. Non. Oui, car le nihilisme implique un système. Et vous n'étiez pas systématique. Ah, absolument pas. Mais vous aimiez la vie. Ah, oui. Vous n'étiez pas neurasthénique du tout. Ah, pas du tout. Vous aimiez ce qui était beau, les beaux livres comme les jolies femmes. Sans prononcer le mot de beauté. Oui. J'aimais. Mais alors, étiez-vous aussi bibliophile? Ah, pas du tout. Alors voilà. J'ai recherché quelques éditions originales. Mais pourquoi les recherchez-vous si vous n'aimiez pas les beaux livres? J'ai recherché celles d'œuvres que j'aimais, mais pas du tout pour leur rareté. Donc pour le plaisir vraiment de la lecture. Vous étiez un lecteur, vraiment? Non. Mais si vous vouliez acheter... Vous êtes entêté, vous. Mais si vous vouliez acheter de beaux livres... Mais non, mais pas plus que... Vous pourriez me poser les mêmes questions sur l'automobile. Oui, mais je ne vous les poserai pas car vous n'êtes pas devenu un grand fabricant d'auto, vous êtes devenu un grand éditeur. J'aurais pu aussi bien être un grand fabricant d'auto. Ah, mais ça, c'est peut-être extrêmement intéressant, justement, de penser que vous avez tant de possibilités en vous. C'était pas des possibilités. C'était des hasards, alors. Des velléités. Enfin, des velléités que vous avez poussées très loin. Mais non, par engrenage... Par engrenage, bon. Eh bien alors, par engrenage, à mais quel moment... Me demandez mes rêves. J'ai quelquefois rêvé d'être couturier. Oui. Et comment satisfaisiez-vous, quand vous étiez jeune, ce goût de la couture? Le goût de l'auto, je comprends, en ayant des autos, en faisant de l'auto, le goût de la littérature en lisant et le goût de la couture... En regardant les femmes. En regardant les jolies femmes, bien habillées, oui. À quel moment, Gaston Gallimard, avez-vous songé, pour la première fois, à devenir éditeur quand vous avez été pris dans cet engrenage involontaire? Je n'ai jamais songé à devenir éditeur. Oui, mais il y a eu un engrenage. La perspective d'exercer un métier me paraissait de plus en plus incompatible avec mon goût du hasard et de la liberté. Alors ce sont les faits qui vous ont imposé une décision apparente. Le hasard. Le hasard. Vous croyez au hasard? Oui. Moi, je n'y crois pas. Oui, mais moi, j'y crois pour moi. Ma vie a été un hasard. Oui, mais alors ce hasard... À partir du moment où elle n'a pas été ce que j'aurais voulu qu'elle soit. Ah bon, alors il faudrait surtout savoir ce que vous auriez voulu être. Et ça, vous ne voulez pas le dire. J'aurais voulu ne rien faire, d'abord. Oui. Enfin, ça, écoutez, nous n'allons pas entrer dans la vie. Non, mais alors, nous allons entrer dans la vie professionnelle tout de même, et dans cet engrenage, vous avez été pris par le fait du hasard. Quelles ont été les premières manifestations d'ordre professionnel? Eh bien, mes amis, songeant à publier leurs œuvres et celles qui paraissaient dans la revue, m'ont demandé de m'en occuper. Et vous avez accepté pourquoi, puisque vous ne vouliez rien faire? Par amusement. Ah, par amusement. Vous aviez donc le désir de vous amuser. C'est peut-être déjà une vocation, ça. Oui, j'avais la vocation aussi, beaucoup, je vous dis, de faire de l'automobile. Oui. Mais l'un n'empêchait peut-être pas l'autre, à l'époque. Ça n'a pas empêché. Oui. Et alors, vous avez donc été l'un des fondateurs de la Nouvelle Revue Française, enfin l'un des collaborateurs de ceux qui ont fondé la Nouvelle Revue Française, et à ce moment-là, vous ne vous doutiez pas du tout de l'importance qu'allait prendre cette revue. Pour vous, c'était vraiment une revue de jeunes gens, une tentative qui n'était peut-être pas vouée à une réussite, mais vous vous y lanciez par amusement. Et par amitié. Et par amitié. Est-ce que vous aviez le sentiment, comme Gide l'avait, d'une entreprise, de l'esprit, avec un E majuscule, de quelque chose d'assez grand, noble, enfin, non. D'une mission? Pas du tout. Les majuscules et moi, ça ne... Ça ne fait pas bon ménage. Non. Donc vous avez contribué à la réussite de la Nouvelle Revue Française sans penser qu'elle allait prendre une place si importante dans la vie littéraire française. Absolument. Et quel était le rôle que vous jouiez dans cette équipe de la NRF? Eh bien, pour imprimer les livres de mes amis, nous avons fondé une petite association entre Gide, Schlumberger et moi. Et les trois premiers livres que j'ai fait imprimer à Bruges, où s'imprimait déjà la Nouvelle Revue Française, ont été l'otage de Claudel, Isabelle d'André Gide et la mère et l'enfant de Charles-Louis Philippe. Quel était alors le sans comité... Sans grand succès d'ailleurs. Sans grand succès, oui, je sais. Mais quel était le comité de lecture à cette époque-là qui avait décidé du choix de ces publications? Ce n'était pas positivement un comité de lecture. On bavardait. Mais il faut supposer alors, que Claudel et Gide vous avaient proposé leurs manuscrits tout de même. Ah ben oui, ça... Parce que vous étiez des amis. Oui. Et c'est après ces réunions amicales que vous décidiez. Oui, et puis il y avait aussi, alors à ce moment-là, Jacques Rivière, avec lequel j'étais le plus lié. Mais Jacques Rivière, qui était à ce moment-là le véritable directeur, enfin secrétaire de la revue. Et puis, alors ensuite, il a été... Directeur de la revue. Directeur, oui. Et alors, ces trois livres que vous avez publiés n'ont pas eu de succès auprès du public, ni auprès des bibliophiles. Non, non, pas du tout. Et vous faisiez pourtant des tirages à part. Très beau. Qui doivent valoir très cher maintenant. Oui. Et dont vous n'avez pas conservé un exemplaire. Pas un. Car, je ne sais pas si je serais indiscret en le disant, mais vous ne conservez aucun exemplaire sur beau papier. Non. Et alors, vous avez même poussé, je crois, le zèle, quoique prédisposé que vous l'étiez vers l'amusement, jusqu'à placer vous-même, à essayer de placer vos exemplaires chez des libraires. Vous preniez avec une petite valise. Ces trois premiers volumes, pas par la suite, mais ces trois premiers volumes, je suis allé chez les libraires dont mon père était le client pour leur demander de les prendre en dépôt et de souscrire à ces exemplaires réimposés avec couverture de Japon que je proposais pour 10 francs. 10 francs lourds. Oui, très lourd, ça va. Et j'ai pas eu de succès. Vous n'êtes pas arrivé à en placer? J'en ai placé un chez Floury qui m'a dit qu'il faisait ça à cause de mon père. Alors les autres exemplaires sont restés en cave? Les autres exemplaires sont restés en cave jusqu'au jour où, tout de même... La mode s'en est mêlée, on a enfin compris la valeur des auteurs que vous publiez plus longtemps après. Oui. Mais vous avez tout de même, j'employais ce mot tout à l'heure, le mot zèle, vous avez tout de même mis du zèle au début, de l'application. Ah, mais je suis paresseux, mais je suis aussi consciencieux. Mais alors quand on est consciencieux, on n'est pas tellement paresseux. Si. Si, parce que quand on n'est pas paresseux, ça, le travail n'ennuie pas. C'est-à-dire que le travail m'ennuie. Alors le fait d'être consciencieux est pour vous une charge? Ah oui. Mais vous êtes toujours très bien acquitté de cette charge. Car vous auriez pu quitter à ce moment-là les éditions. Je crois que la situation de vos parents vous aurait permis de ne pas avoir vous-même une situation. Je n'en sais rien. Étant donné les événements, la tournure des événements, je ne crois pas. Parce que... Ma famille avait une fortune bourgeoise, n'est-ce pas? et le patrimoine qu'elle a laissé à mes frères et à moi se réduit à peu près à zéro. Alors, je voulais vous demander aussi, Gaston Gallimard, s'il est vrai, comme on l'a prétendu souvent, que vous avez voulu être éditeur, ou plutôt vous n'avez pas cherché à être éditeur, vous avez simplement voulu être un homme qui possédait une bibliothèque qui aurait contenu les livres qu'il aurait aimé lire. Et vous vous êtes dit, au fond, plutôt que d'acheter les livres chez les autres éditeurs, je vais me faire moi-même éditeur des livres que j'aime, des manuscrits que j'apprécie. Est-ce que c'est vrai? Oui, à partir du moment où j'ai été assis à une table et où j'avais des décisions à prendre, je songeais aux livres que j'aimerais avoir dans des rayons. Personnellement? Personnellement, oui. En somme, un bon éditeur serait celui qui ne publierait que les livres qui lui plairaient à lui personnellement. À vous donner une certaine définition de l'éditeur. Oui, c'est une certaine. D'ailleurs, je ne dis pas le meilleur éditeur au point de vue commercial. Je dis celui en qui correspondrait le mieux son activité personnelle et ses goûts. Là, je vous dirai encore, mais ça a l'air prétentieux, que pour moi, l'éditeur est celui qui aime publier des livres qui ne se vendent pas. Oui, vous voulez dire par là même les livres de qualité qui ne peuvent pas avoir un très grand public. Oui. Mais vous êtes arrivé... Je suis tout le temps tenté... D'éditer des auteurs qui ne se vendent pas. Seulement ceux qui ne se vendent pas maintenant, Gaston Gallimard, s'ils ont de la valeur, c'est ceux qui se vendront très bien plus tard. Ce qui se passera après ma mort, ça m'est égal. Car finalement, l'arbre de Claudel et l'otage que vous avez publié, bien l'otage maintenant est un des grands succès, non seulement de théâtre, mais même de librairie. Le livre se vend très bien. Oui, mais je ne pensais pas à ça. Oui, alors les éditeurs feraient tous faillite s'ils avaient cette mentalité désintéressée. Oui, c'est pour ça que je crois que à partir du moment où vos suivre son goût, il faut savoir publier des séries noires pour supporter les frais d'une maison en attendant que les œuvres qu'on aime réussissent. Alors justement, nous en venons à la question que je voulais vous poser. Comment est-ce qu'on peut constituer ce qu'on appelle un fonds? Est-ce que cela se fait aussi hasardeusement qu'une vocation? Il me semble qu'on constitue un fonds en publiant d'abord un volume, puis deux, puis trois, puis 10, 100, 5000. Oui, vous êtes auvergnat, mais là vous me répondez en normand. Non. Évidemment. Toujours le jour. C'est toujours le jour, mais chaque fois avec des succès. Je ne me suis pas dit, je vais constituer un fonds. J'ai publié un jour un volume, puis trois, puis cinq, puis 10, et puis voilà. Ces volumes ont eu du succès? Pas tous. Pas tous, mais il y a eu plus de livres qui ont eu du succès que des livres qui n'ont pas été des succès. Sans ça, vous n'auriez pas pu continuer. Il y a donc une ligne que vous avez suivie. Et quelle est cette ligne? Est-ce qu'on pourrait la définir? Non. C'est une ligne de parfaite liberté. C'est-à-dire que vous êtes l'éditeur de Paul Claudel et de Jean Genet. Oui. D'Aragon et de Rebattet. Oui. C'est tout de même un idéal, c'est tout de même une ligne, ça. Alors, mettez si vous voulez que j'avais une ligne qui était... de ne pas en avoir, de ne pas avoir de ligne politique, de ne pas avoir de ligne morale, religieuse ou autre. Une ligne de parfait libéralisme. D'indépendance, oui. D'indépendance. Mais alors, quels ont été les premiers succès que vous ayez enregistrés? Le premier succès a été Jean Barois, de Roger Martin Dugard. J'entends succès de tirage, car au prix où était vendu le livre, 3 francs, étant donné le nombre de pages qui était considérable, la qualité du papier, qui était du papier alfin importé d'Angleterre, l'édition était certainement déficitaire. D'ailleurs, à cette époque, je ne faisais pas de prix de revient. Alors vous procédiez empiriquement aussi? Absolument. Vous allez étonner certainement beaucoup de vos auditeurs qui pensent que la Nouvelle Revue Française est née d'une façon peut-être empirique, mais qu'elle s'est développée rapidement d'une façon très organisée, très systématique. Et vous pensez donc que dans toute réussite humaine, il y a une grande part de hasard? J'en sais rien. Pour moi, oui. Mais pour d'autres, pas du tout. Oui, mais alors quand vous arrivez, je ne veux pas dire à la fin de votre carrière, Gaston Gallimard, car Dieu merci, vous restez toujours très jeune, comme votre maison, mais quand vous contemplez ces 50 années d'édition derrière vous, quelle impression avez-vous? D'avoir fait quelque chose de valable? Ou c'est le hasard qui a présidé à tout cela? Les réponses paraîtront toujours prétentieuses. En somme, le succès n'est pas la réussite. Et quelle différence? C'est beaucoup plus sérieux. La réussite, c'est quelque chose de beaucoup plus sérieux. Oui. Ça n'a aucun rapport avec le succès. Mais vous avez eu une réussite? Non. Vous avez eu le succès simplement? Oui. C'est prétentieux de dire que si vous appelez ça le succès. Enfin, c'est, la réussite, c'est quelque chose d'autre. C'est la réussite de soi-même. Réussir, c'est se réaliser. Mais vous n'avez pas eu la sensation de vous réaliser? Pas du tout. Mais vous avez eu l'impression, sinon de vous réaliser, vous, de réaliser quelque chose? Non plus. J'y ai pas pensé. Oui, pas plus que je ne pensais qu'un jour vous me poseriez toutes ces questions. Oui, je me suis bien rendu compte, d'ailleurs, Gaston Gallimard, que je vous ai presque agacé en vous posant ces questions. Mais je pense qu'il est intéressant de vous avoir entendu y répondre, même malgré vous. Car vous dites que vous n'avez pas eu de réussite et que vous avez eu simplement un succès, que ce succès, vous ne l'avez pas voulu. Vous êtes bien obligé de constater que vous l'avez eu. Et nous, nous sommes libres de penser que c'est une véritable réussite. Vous venez d'entendre une émission de Robert Mallet, Vocation. Aujourd'hui, Gaston Gallimard. Collaboration de Michel Thierry. Cette émission a été diffusée pour la première fois sur les ondes nationales le 27 janvier 1959.